Vocabulario 3. La familia. La familia. La familia. La familia. Los abuelos. Les grands-parents. Les grands-parents. La abuela. La grand-mère. La grand-mère. El abuelo. Le grand-père. Le grand-père. Los padres. Les parents. Les parents. La madre. La mère. La mère. Mamá. Maman. Maman. El padre. Le père. Le père. Papá. Papá. Papá. Los niños. Les enfants. Les enfants. La niña. La fille. La fille. El niño. Le fils. Le fils. El hermano. Le frère. Le frère. La hermana. La sœur. La sœur. El tío. L'oncle. L'oncle. La tía. La tante. La tante. El sobrino. Le neveu. Le neveu. La sobrina. La nièce. La nièce. Soltero. Célibataire. Célibataire. Comprometido. Fiancé. Fiancé. Divorciado. Divorcé. Divorcé. Casado. Marié. Marié. El prometido. El novio. Le fiancé. Le petit ami. Le fiancé. Le petit ami. La prometida, la novia. La fiancée, la petite amie. La fiancée, la petite amie. El esposo, el marido. L'époux, le mari. L'époux, le mari. La esposa, la mujer. L'épouse, la femme. L'épouse, la femme.